Vendredi 7 octobre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine heure. La semaine dernière, je parlais de décrochage scolaire, entre autres, avec les gens d'Autrait d'Union. Et cette semaine, ben écoutez le thème, on reste dans le domaine de l'éducation, on va parler d'analphabétisme. Je reçois des gens d'Alphabeille aujourd'hui pour justement nous en parler. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions pour eux sur l'organisme ou directement sur à leur poser, vous pouvez nous suivre sur la page Les Différents à partir de Facebook. Donc, vous pouvez m'écrire à partir de la page. La semaine dernière, quand j'ai annoncé justement le sujet de cette semaine, j'étais loin de me douter que le Journal de Québec était pour sortir un dossier sur le même sujet. Je suis très contente que ça soit sorti. Ce dossier-là, en même temps que l'émission, ça m'a donné encore plus de chiffres. On mentionne, entre autres, dans le dossier, qu'il y a 53% qui seraient analphabètes fonctionnels. Fonctionnels, justement, je vais en parler tout à l'heure avec les gens d'Alphabet pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que le fameux fonctionnel. Autrement dit, une personne sur deux que vous rencontrez serait analphabète. Puis, si on regarde les chiffres, en 2003, toujours selon le dossier du Journal de Québec, c'était 47%. Donc, il y a une hausse de 6% en 10 ans. C'est énorme. Donc, il y a plusieurs niveaux, comme je dis, d'analphabétisme. Si je prends aujourd'hui, par exemple, quand je pense à ça, moi, je recule en arrière. Là, je vais vraiment, là, je repense aux personnes qui ont de la difficulté à lire. On y pense pas aujourd'hui qu'il y en a autant. Moi, ça me rappelle, par exemple, moi, ma grand-mère avait laissé l'école pour aider son père avec les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants aux Îles-de-la-Madeleine. Ma grand-mère vient de là, justement. Et puis, il était quoi? Il était 9-10 enfants. Et puis, quand mon arrière-grand-mère est décédée, ce qui est arrivé, c'est que ma grand-mère a laissé l'école pour aider son père. Elle a appris l'alphabet, mais elle ne savait pas lire. Elle ne se souvenait plus de ça. Elle a arrêté, je pense, en première ou deuxième année. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des recettes qu'on apprend par cœur. On se fait des trucs. Moi, je me rappelle quand elle habitait toute seule, elle appelait chez nous, puis elle lisait les lettres, toutes les lettres. Quand je parle, là, elle énumérait toutes les lettres à ma mère pour dire qu'est-ce qu'il y avait sur le papier qu'elle avait reçu par la poste. Donc, vous pouvez imaginer comment ma mère déchiffrait toutes ces lettres une après l'autre. C'est quelque chose, mais elle a réussi à se débrouiller, à se dépasser aussi. Donc, c'est pas quelque chose d'évident. Mais aujourd'hui, ça existe encore. Donc, justement, comme je vous dis, je reçois mes invités. Je reçois Richard Dallaire de Alphabet, qui est coordonnateur. Bonjour, Richard. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Il y a Monique Lescarbeau et Marcel Fortier. Vous deux, vous profitez d'Alphabet. Vous profitez des services d'Alphabet. Oui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec toi, Richard. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'Alphabet? Oui, Alphabet, c'est un groupe d'alphabétisation populaire. Les groupes d'alphabétisation populaire, on n'est pas le seul au Québec, là. Il y a plus de 100 de ces groupes d'alphabétisation populaire là au Québec. On se démarque par une approche différente là, de celle des commissions, de l'approche d'alphabétisation qui est donnée dans les commissions scolaires, notamment parce que on est une structure qui est démocratique. Donc chez nous, les participants, c'est des membres d'Alphabet. Donc, en quelque sorte, ce sont mes patrons. On a une approche, voilà, qui est démocratique. On veut, en plus de l'alphabétisation, d'alphabétiser les gens, d'apprendre à lire et écrire, on veut aussi agir sur les conditions de vie des personnes. Mm-hmm. Donc, ça peut être une prise de parole, en fait, qui peut aller jusqu'à des revendications aussi, là. OK. Titre d'exemple, là. Les bulletins de vote avec photo, c'est une revendication des groupes d'alphabétisation populaire depuis longtemps et on a obtenu ça. Là. Ben c'est ça, ouais. Savoir pour qui on vote, ça a l'air peut-être facile pour certaines personnes de voir le nom, le type de parti, tout ça, mais si on n'a pas le visage, on sait pas pour qui on vote, là. Oui, puis on s'en sort jamais parce que même si on avait le bulletin de vote avec photo, je me rappelle aux dernières élections, il y a un participant qui me dit « Bon sang, ça m'aurait pris le logo du parti, ça aurait été plus clair. » C'est vrai. Ouais. Mais justement, vous deux, Madame Lescarbault, puis Monsieur, écoutez, excusez-moi. Fortier. Pourtant, Florent Fortier, hein, pour moi, ça devrait être semblable. Pour vous, comment vous avez connu Alphabeille? Moi, voilà. C'est mon garçon. Il m'a appelé à la maison, puis il dit « Si on t'a trouvé une école, maman, t'as retourneras-tu? » J'ai dit « Oui. » Puis il dit « Après Pâques, on ira à Alphabeille. » Oh, moi, je voulais pas attendre Pâques. Il était 15 jours après. J'ai dit « Donne-moi le numéro de téléphone, va appeler. » J'étais tout de suite la même journée. Puis là, à la fin de l'année, au mois d'avril, Émilie, elle m'a fait rentrer tout de suite, mais quand je me suis assise là, j'ai dit, ah, c'est la fin d'année. Tout le monde savait aller un petit peu, mais moi, je savais rien. Mais je me suis pas encouragée. Émilie, elle m'a montré de rentrer de même. Il restait un mois, puis j'ai travaillé tout l'été après, chez nous. T'sais, quand j'ai rentré, au moins, je savais, mais... Vous, dans votre cas, c'est comment que ça se décrivait le côté analphabète? C'est quoi ces difficultés à lire, à écrire? Moi, je savais rien. Rien? Rien. On part à zéro. Zéro. Wow. Puis là, vous arrivez dans un groupe, puis... À la fin de l'année. À la fin de l'année, oui. T'es là, je suis là, oh, quoi je fais là? Ça prend de la motivation, hein? Oui. J'étais tellement... Puis là, Émilie, elle m'a dit, t'as pas me t'encourager. C'est la fin de l'année, puis tout ça, mais l'année prochaine, ça va... Puis elle m'a donné les feuilles, puis là, j'ai travaillé avec elle, puis ça a débloqué. Hein? Ça a débloqué. Ouais. Puis aujourd'hui, vous savez lire, vous savez écrire? Un petit peu. J'en ai encore la misère, là, mais je commence à me débrouiller pas mal tout seul, là. Oui. Oui. Bien, vous me parliez justement tantôt, faire l'épicerie, c'est plus long. C'est plus long. Parce que vous prenez le temps de lire les articles, la star, ça a l'air commun pour tout le monde d'aller faire l'épicerie, puis de faire, c'est telle pâte, c'est telle affaire, c'est telle bouteille de ketchup, quelle sorte qu'on veut, tout ça. Mais vous, fonctionnez autrement. Je le savais pareil, l'écho, les bouteilles, puis tout ça. Mais là, je prends le temps de lire pareil pour me pratiquer, puis comme le fromage mozzarella. Mozzarella, oui. Quand je veux l'avoir, ben faut que je le lise. Hein? Oui. Mais des fois, ça, je peux passer 10-15 minutes, mais je l'ai pareil. Mais c'est ça qui compte. C'est ça qui m'épate à ce que je vous entends depuis tantôt, même à hors d'onde, même je peux dire aux auditeurs, je vous parlais tantôt hors d'onde, puis... C'est vous êtes inspirant, je vais vous dire ça. Monsieur Fortier, vous de votre côté, on part à quel niveau? Au niveau de l'alphabétisation, quand vous connaissez Alphabeille? Moi, j'étais quand même capable de lire, mais pas toujours parfaitement. Fait que c'était pas toujours parfait. C'est comme si je lis, mais quand je lis, à fur et à mesure que j'avance, j'oublie ce qui est en arrière. Mm-hmm. Puis là, je me suis amélioré un peu parce que de plus en plus, je retiens un petit peu plus mes textes quand je lis à force de y aller. Puis moi, ce qui m'a amené à l'école là, c'est mon médecin de famille. Ah oui? Oui. OK. C'est mon médecin de famille qui m'en a parlé à peu près 2-3 fois. Puis elle disait, tu devrais aller chez Alphabeille, Puis, fait que, en fin de compte, j'ai fini par appeler puis y aller. Puis, comment on se débrouille? Vous étiez dans la construction. Oui. Vous me disiez, puis on peut dire, souvent, on va aller vers le travail manuel qu'on entend. Si on va dans le stéréotype, là, dans ce qu'on voit habituellement, je ne sais pas si c'est un préjugé, mais c'est souvent des gens qui vont aller dans les domaines qui sont plus manuels, qu'on va travailler de nos mains, qu'on n'aura pas... comment on fait travailler quand on ne sait pas... on sait lire, mais on a de la difficulté à se rappeler? c'est sûr que c'est pas toujours évident. Si on nous dit des choses puis qu'on comprend pas bien, ben on l'exécutera pas non plus nécessairement bien. Mm-hmm. Mais dans la majorité des cas, moi, quand je faisais des couvertures de tôle, ça se faisait quand même assez bien. Tu sais, manuellement, là, je travaillais quand même assez bien, puis je pense que... Mais tu n'avais pas à lire des plans? Non, j'avais pas de plans à lire. Ces couvertures de tôle, on n'a pas souvent des plans à lire. C'est pas comme faire une structure de bâtiment ou faire ce genre de choses-là, là, tu sais. Ouais. La tôle, c'est une question de logique quand tu travailles ça, puis quand tu poses ta tôle, ben faut que tu t'imagines comme une goutte d'eau qui tombe quand elle descend, ben c'est un peu ça. Oui, on y va avec l'expérience à un moment donné. Ouais. Richard, de ton côté, chez Alphabet, comment vous commencez le processus avec une personne? Ça peut ressembler à quoi, quelqu'un qui cogne à votre porte? Ça peut ressembler à Marcel, ça peut. écoute, l'importance de l'accueil est fondamentale, là, Alphabet. Nous, on est un petit milieu. Là. Si les gens viennent chez nous puis ils cherchent une école, ils vont passer tout droit là, parce que c'est un immeuble à deux logements, puis on est le logement du bas. Donc, tu rentres dans un appartement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un accueil qui est sans jugement et de mettre tout de suite à l'aise la personne. Ensuite, on évalue aussi, on évalue un peu le niveau là où la personne est rendue. Souvent, la personne est très mauvais juge. Hein. La personne se juge sévèrement. Là. J'entends Monique tantôt que tu disais, moi je savais rien quand je t'arrivais à l'alphabet. C'est non, tu sais, t'avais déjà des certaines bases, mais sauf que tu les vois pas toi-même. Fait que nous, on est là pour aider les gens qui reconnaissent leurs acquis aussi, tu sais, qui se redonnent un peu de pouvoir là-dedans. De valoriser les gens. De valoriser aussi. Ça, c'est ça. Puis une première rencontre, souvent ça donne déjà un peu de confiance à la personne qui se rend compte que ah ben finalement, tu sais, j'en sais un petit peu plus que je pensais. Fait que bon, ensuite on a une approche de groupe aussi, c'est pas individuel, ça se passe en gang, des petits groupes de 7, 8, 9 personnes. Ça crée une chimie. Là. Oui, puis ça c'est aussi important dans la démarche parce que le fait d'être en groupe, corrigez-moi si je me trompe là, mais on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On a souvent l'impression que c'est notre faute si on sait pas lire et écrire, qu'on est tarte, qu'on n'est pas bon, puis là, on se rend compte que, coudonc, il y a plus de monde qu'on pensait. Puis finalement, il y a un peu des causes sociales à tout ça, puis des éléments extérieurs qui font en sorte qu'on... C'est ça, qu'on est là. Oui. Ben, les causes, oui. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que quand qu'avant, on se demandait si c'était pas nous autres qui avions un problème. Oui, on avait un problème, on se rendait pas compte du problème qu'on avait. Puis moi, quand j'ai fait ma dépression à l'hôpital, ils se sont aperçus que je faisais de l'aphasie, déficit d'attention, dyslexique. OK, fait que là, c'est une espèce de package deal qu'on a. Là, ce que ça a fait dans ma vie de nouveau, c'est que à ce temps, je le sais que c'est pas de ma faute quand j'ai eu de la misère à l'école. Non, je suis capable de comprendre, puis de revenir en arrière, puis comprendre aussi certaines choses qui sont arrivées. Puis pourquoi? Bien, le TDAH, on recule, admettons, il y a 30 ans, on n'entendait pas parler du déficit d'attention. On n'entendait pas parler de la dysphasie, de la dyslexie. C'est tous des sujets qui sont tabous. Puis des fois, peut-être, Richard, tu peux plus me le dire, est-ce qu'il y en a beaucoup? Le rapport, le ratio, là, quand on regarde des gens qui sont chez vous, par exemple, ou peu importe, là, que ce soit au Québec ou chez vous directement, le ratio des gens qui sont TDAH, qui sont dysphasiques, dyslexiques, y en a-tu? Est-ce que c'est un point commun? Et c'est une super bonne question. Arriver avec un ratio précis, je serais pas capable de le dire. Là. Probablement, ça doit représenter peut-être un 10%, mais si je le dis sans me poser comme spécialiste. Est-ce que c'est un point qui revient souvent? Oui, des mauvais diagnostics, en fin de compte, des enfants qui étaient à l'école avec des problèmes de dyslexie qui n'ont pas été diagnostiqués. Puis à l'époque, il n'y avait pas non plus de ressources plus spécialisées d'orthophonistes pour aider ces jeunes-là. Clairement, ça les a exclus du système scolaire. Là. Ça, c'est une bonne partie des gens qui viennent de chez nous. T'sais, il y a aussi dans des causes des troubles de comportement, des situations familiales difficiles. Quand papa et maman chicanent à la maison, t'as pas la tête à étudier. Quand ça fait 6 fois que tu déménages en 8 ans, t'as jamais de sentiment d'attachement avec ton école. T'es préoccupé par une foule d'autres choses. Mm-hmm. Puis ensuite, tu te ramasses comme t'es rendu au secondaire 3, puis t'as l'équivalent d'une 4e année. Bon, on t'oriente vers des diplômes de métiers semi-spécialisés, tout ça. Oui, dans le but de mettre le jeune en action, mais encore une fois, ça peut être un peu des voies de garage. Là, d'ailleurs, tu faisais référence au Journal de Québec qui en parlait oui. lundi. Les diplômes bidons. Oui, vous vouliez mais ajouter? Moi aussi, j'avais la misère à parler aussi. Aussi. C'est pour ça, quand je disais, le monde disait non, c'est pas ça, mais le thème on parlait, non. Pour moi, je lisais bien, mais pour les autres, je mettais un A ou je ne le mettais pas, ou c'est pour le parler aussi, ouais, tellement. Ça arrive des gens qui ont des troubles un peu d'élocution, comme tu le nommes, puis si la personne écrit au son, ben, si elle se trompe en le disant, ben, en l'écrivant. On va l'écrivaine. C'est mal ça. Aussi. Exact. Oui. Puis des fois, à un moment donné, j'imagine, parce que vous avez quand même été à l'école. Vous avez été à l'école jusqu'à quelle année? C'est pas trop indiscret. Moi, j'ai fait 3-4 fois la première année. Puis c'est pas la faute de mes parents. Ils m'ont payé des cours privés. Ils m'ont tout fait. Puis il n'y a pas personne à l'école qui. Ils me le disaient à cause que je parlais mal, que je l'avais mal. Puis il n'y a personne qui a signalé quoi que ce soit d'un professeur, direction. Non. C'est mon petit-fils. Ça fait 3 ans quand j'ai commencé. Il avait quoi, 9 ans dans ce temps-là? Il disait, ben, quand même, tu mets un A de trop. Pour ça, tu l'as pas bien. Dans le parler, puis dans l'écrire. D'écrire, puis tout ça. C'est là que je me suis aperçue. C'était mon parler, tu me lisais. Ouais. Oui. Puis vous, Monsieur Fortier. OK, la question, c'était. Jusqu'à quelle année à peu près que vous êtes allé à l'école, dans le fond? Okay. Puis y a-tu quelqu'un qui a sonné une cloche? Ça n'a pas l'air? Moi, j'ai arrêté une année avant la fin de mes années scolaires. Je me souviens pas précisément. Nous autres, on disait secondaire pratique. On appelait okay, ça ouais. de même. Puis, avant la réforme. Oui. Puis là, ben. Moi, ben, comment je pourrais dire ça, quand j'allais à l'école, j'ai senti moi-même des problèmes que j'avais, puis j'ai commencé à demander de quoi de plus à l'école, mm-hmm. tu sais, de la lecture, plus de lecture, plus de bibliothèque, parce que je me suis rendu compte en travaillant dans une bibliothèque, j'étais toujours plus performant. Ah oui? Oui, puis ça explique mes problèmes cognitifs qui fait que j'étais déconcentré par les autres dans la classe, tandis que dans une bibliothèque, c'est le silence total. Ben oui, c'est calme. Fait que là, le fait que j'étais dans une bibliothèque, ben je performais mieux, puis je réussissais à mieux faire de quoi de l'allure. Puis quand je me suis rendu compte un petit peu plus ça plus tard, puis j'ai demandé à l'école de me donner plus de cours de lecture que d'éducation physique, quelque chose de même, mm-hmm. L'école, ils m'ont pas envoyé à bonne place. Ils m'ont envoyé complètement dans un autre cours qui n'était pas en rapport avec la lecture. Puis ça m'a découragé. Puis l'année d'après, je me suis dit, je t'ai pas compris. Fait que j'ai arrêté l'école tout simplement. Tout simplement. Eh boy. Mm. Moi, ça me fait de la peine de voir ça parce qu'il y a du vouloir, là. Je vous regarde aller les deux, il y a du vouloir. Puis de voir que les écoles, on ne peut pas reculer, là. On ne peut pas aller en arrière, mais de voir que les écoles ont pratiquement rien fait ou rien fait, là, c'est un peu décourageant. Oui, si j'ai appris, moi, cette année, t'as Manon, le nouveau professeur, si je le dis mal, elle me fait répéter tant aussi longtemps que je le dis pas bien. Je le dis bien, là. Oui. Quand je vais le dire bien, ben, je suis capable de le décrire après. Mm-hmm. Puis, ça me choque pas quand quelqu'un, il me reprend. Tout le monde, il pensait que ça m'aurait choqué, mais non, ça me choque pas. Non. Quand je veux pas avoir beaucoup de monde, puis si, mettons, je parle, puis il me reprend tout le temps avec beaucoup de monde. Là, peut-être, ça, j'aimerais pas ça, mais quand on est tout seul ou on est deux, on peut me faire répéter. Puis, oui, mais il y a une façon de faire à un moment donné. Oui. Parce que, justement, vous faites face à des préjugés. Oui. Quand on regarde, il y en a là, qui peuvent être assez... que c'est vraiment pas sympathique, là, leur façon d'agir. Là. Ils vont vous le dire directement. Qu'est-ce qu'on entend? Oui. Okay. Non, puis moi, je me souviens d'une période d'école où ça a été la pire pour moi. Là. Ça a été d'un moment où ce que... j'étais à l'école, j'avais eu un devoir. Puis là, ben quand je suis allé chez nous, j'ai essayé de faire mon devoir. Puis là, j'ai été demandé à garder un enfant. Mm-hmm. Là, un aller garder un enfant, c'était comme pas chez nous, là. C'était pas le bruit de la télé, la radio, mes frères, mes sœurs qui tournent autour de moi. Mm-hmm. C'était encore la tranquillité. Fait que je gardais l'enfant. Fait que l'enfant, pendant qu'il dormait, j'ai fait mon devoir. Puis là... Où ce que ça a mal viré, c'est quand je suis retourné à l'école le lendemain, puis là, à chaque fois qu'elle disait qu'elle corrigeait sur le tableau, moi, je marquais bien. À chaque fois qu'elle marquait des choses, je marquais bien. Puis là, ça me surprenait, là, c'était pas moi, ça, là. Mm-hmm. J'avais bien, là, puis d'habitude, j'ai du monde qui essaie de m'aider, puis ça marche pas, puis le bruit autour faisait que ça marchait pas. Fait que résultat, Là, j'avais hâte qu'elle arrive à moi quand elle s'est mise à faire le tour. Puis quand elle s'est mise à faire le tour, la réaction qu'elle a eue, c'est « qui t'a aidé? » Ben là, voyons. Elle voulait absolument, je lui disais qu'il l'a aidé. Puis là, ben, au lieu de demander comment t'as fait pour faire ce que t'as fait là, mm-hmm. ben, c'était ça la question. Qui t'a aidé? Fait qu'elle tenait absolument que je lui dise « qui m'a aidé? » Puis là, ben moi, ben je savais plus trop quoi répondre. Fait qu'elle me pogne par les cheveux, elle m'emmène sur le directeur. Puis le directeur, ben puis elle me menaçait de me mettre à la porte de l'école. Ils ont appelé mes parents. La chicane était pognée avec mes parents au téléphone. Fait que le résultat, ça a resté de même. Personne m'en a reparlé, non plus mes parents, quand je suis revenu chez nous. Puis ça a resté de même. Ça m'a créé un blocage. Ben c'est sûr. Parce que j'avais l'impression que quand tu réussis quelque chose, c'est à le contraire, tu es pénalisé. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est un point commun de tout le monde, je trouve, qui vient en alphabétisation. Des mauvais souvenirs par rapport à l'école. Là. C'est fou que tu racontes ça, t'sais, rendu à l'âge que t'as. Ce souvenir-là, quand t'étais enfant, il est comme primordial. Là, t'sais, ça t'a cassé là, la confiance à ce moment-là. Puis on a... Tous les gens qui viennent de l'alphabet ou à peu près ont ce rapport-là négatif, en fin de compte, avec l'école. Là. Avec l'école. Puis ça donne un défi de plus à l'alphabet de reconstruire ou de changer la perception du monde qui vont chez vous. Ben oui, puis comment vous faites? Ben comme je le disais tantôt, c'est d'avoir un contexte qui est le moins scolaire possible là, d'une part. Ouais, hein. Là, c'est quand t'as tombé du TGV, t'as peur de reprendre le train après. Là, tu sais, fait que les gens qui arrivent à l'alphabet, c'est ça. Là, c'est plus compliqué de reprendre le train. Fait qu'on essaie de faire ça cool aussi, quand même. Oui. On arrive à l'alphabet, on se fait un café, une cuisine, c'est relax. Ouais, on s'agace. C'est ça. Puis tu sais le contenu des on s'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ouais, dans la classe, c'est s'entraide. Hein, oui, il y a de l'entraide. Tu sais, puis il y a ce climat de confiance-là que je disais tantôt. Là. Tu sais, Monique, tu l'exprimais bien là, quand tu disais moi, parler, me faire reprendre par les autres. Tu sais, faut que tu mettes ton orgueil de côté, hein, s'il vous plaît, là, pour avoir ça. Mais c'est ça qui te permet d'avancer. Oui. Ben, pour avoir ça, ça prend un climat de confiance. Là. Oui. Puis c'est pas aussi un endroit où on va évaluer les comme faire passer des examens aux personnes. Alphabet, non, c'est pas... Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de plan de cours strict, d'exposé très théorique. Souvent, le contenu va venir des personnes aussi. On est à la pause, on lit le journal, il y a un article qui attire notre attention. Ben, OK, on va retourner en classe, on va travailler cet article-là. Il y a des mots intéressants qu'on connaît pas. Parfait. Fait qu'on part de faits d'actualité. Fait que l'approche est plus... Et les cours sont créés avec les participants aussi. Là. Oui. Est-ce que ça part de à quel âge chez vous, par exemple, le plus jeune qui peut avoir? Il n'y a pas d'âge. Ben, il n'y a pas d'âge, non? Ben, le plus jeune, c'est sûr, ça va être 18 ans et plus, ça c'est clair. Oui. Le plus jeune actuellement, 24 ans peut-être. Mais c'est quelque chose quand même et quand plus, on regarde. Ouais. Et le plus vieil avec 89 ans. Ah, oui. Ouais, elle apprend l'informatique. Moi, si c'est à 89 ans, je suis allumé autant qu'elle, je vais être très heureux. Mais c'est ça, tantôt en introduction, quand je commençais l'émission, je disais ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, bon, elle est décédée aujourd'hui, mais elle est née en 1914. On s'entend-tu pour dire que on imagine ça d'une autre époque, mais il y en a aujourd'hui encore, puis il y en a plus que jamais, là, de ce que je vois dans les chiffres. Fait que c'est pour ça que je pose la question. À quel âge qu'il y en a? Tu sais, il y en a dans vingtaine, il y en a... on les a vus aussi avec les... Comme on parlait du Journal de Québec. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai trouvé à l'école ça intéressant. C'est d'être avec des personnes de différents âges. Mm-hmm. Puis c'est comme si tu avais... comment je dirais ça? Ben, y a une chimie qui se fait. Ben, c'est parce que tu vois que chacun a vécu quelque chose de différent. Okay. Ils n'ont pas vécu nécessairement la même façon à l'école de travailler. Mm-hmm. D'autres, on se rend compte, quand tu recules plus, ben, c'est à cause de la qu'ils travaillaient au lieu d'aller à l'école. Ouais. Tu sais, on voit qu'il y a du monde que c'est pas tout parce qu'ils ont de la misère à lire et à écrire puis qu'ils ont des problèmes cognitifs. Qu'il a fallu qu'ils lâchent à un moment donné. Mais on voit que des fois, il y en a que c'est vraiment... Ils ont une bonne mémoire pis tout, puis on voit que c'est parce qu'ils allaient travailler au lieu d'aller à l'école. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est plus ça, là. Fait que c'est le fun, tu sais, tout ce qu'on découvre en groupe, puis oui. On est comme une famille, là, on devient comme une famille. Fait que c'est comme... c'est bien. C'est une belle place de ce que j'en entends parler, puis je vous vois aller. On va prendre une pause, puis après ça, on va parler. Comment, par exemple, le quotidien d'une personne, comment on se débrouille dans la vie de tous les jours? Fait que ça, j'aimerais bien ça vous entendre, parce que vous êtes assez, vous êtes, comme on dit en bon québécois, vous êtes assez wise des fois. Il y en a qui, ouais, je te vois rire, Richard, c'est, il y en a qui sont wise, hein? Ben oui, il faut développer. Les gens développent énormément de stratégies. Là, c'est même parfois étonnant d'entendre ça. Oui. Ben on va en parler après la pause, puis on va essayer de comprendre votre quotidien. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous pour la prochaine demi-heure qui reste de l'émission. Et puis cette semaine, on parle d'alphabétisme. Comme je mentionnais en introduction, il y a ben, dans le fond, c'est 53%, c'est un Québécois sur deux qui est considéré un alphabet fonctionnel. Et puis, qu'est-ce que c'est un alphabet fonctionnel? Hein? Ça peut être tellement de choses. Peut-être, Richard, on peut tout de suite expliquer. Est-ce que c'est bien compliqué? C'est quoi? Ben, oui, parce qu'il y a cinq niveaux d'analphabétisation. Il y a cinq niveaux, puis c'est important de le définir, parce que quand les gens entendent les chiffres, là, 50% de Québécois analphabètes fonctionnels... Ça fait peur. Ben, ça fait peur, puis les gens nous croient pas, puis on exagère, puis bon, tu sais, faut faire attention avec ces chiffres-là. Des fois, ça nous dessert mal, ces statistiques-là. Pourtant, c'est ceux qui sont véhiculés par la Fondation pour l'alphabétisation et à peu près tous les intervenants dans le milieu de l'alphabétisation. Vite fait, là. C'est pas pour mettre les gens dans des boîtes, là, mais il y a cinq niveaux de littératie. On va mettre les niveaux 4 et 5 ensemble. C'est un excellent niveau autant écrit qu'au niveau de la lecture. Donc, c'est des textes très compliqués. Quelqu'un qui est capable de très bien comprendre un essai critique, un éditorial d'un journal. Donc, niveau très fort. Après ça, le niveau 3, c'est souvent le niveau qu'on juge le niveau minimal là, pour évoluer dans la société actuelle, là, où tout passe par l'écrit, ou si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site Internet. En fait, niveau minimal, dans le fond, on va appeler ça le niveau postsecondaire. Là. Ça va permettre d'avoir des études collégiales. Ça va permettre aussi d'espérer de l'avancement dans son travail. Une personne de niveau 2... va être souvent un lecteur, mais qui aura pas développé ses aptitudes à la lecture, se pratique pas beaucoup. Donc on va voir la personne de niveau 2 devant le journal, elle va être capable de dire, en tout cas moi le troisième lien je suis pas d'accord, gros titres, plus que ça, les gros titres, la personne va être capable de lire un peu, mais dès que ça se complexifie un peu, soit le vocabulaire ou les phrases sont trop longues, la personne va décrocher, elle va commencer le paragraphe. Fait qu'à la fin, on va dire que c'était quoi le début. Bon, tu sais, c'est que la personne comprend assez bien le code, mais c'est pas suffisant pour avoir un regard critique sur ce qu'elle lit, mettons. On va le nommer comme ça. La personne du niveau 1, elle va décoder aussi l'écriture, mais ça va être plus difficile. Une personne qui a pas son niveau 1, je pense à ta grand-mère de tantôt, probablement, là, ouais. qui aurait peut-être eu de la difficulté à lire et comprendre une posologie de médicaments, là, parce que justement, elle, c'était lettre par chance lettre. Chance pour elle, elle n'en prenait pas. Écoute, tant mieux, c'était une personne en santé. Oui. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est une chance pour elle, parce que je pense qu'on aurait eu des problèmes, justement, si elle avait eu des troubles de santé, là, ça n'aurait pas été évident. Exact. Donc, le 50%, là, il y a environ 20% que c'est les gens qui se classent au niveau 1. Mm-hmm. Niveau 1 et moins. Donc, le niveau 2, c'est un autre 30% de la population. Donc, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont un niveau 2 de littératie. Ça met des gens dans une boîte, ça a l'air bien dramatique, mais il y a une chose que j'ai appris en travaillant en alphabétisation, c'est pas parce que t'es peu ou pas alphabétisé que t'es malheureux dans la vie, là. Les gens qui viennent alphabet, ils sont souvent en réussite. Il y a des gens qui ont des entreprises, il y a des gens qui ont une super belle vie de famille. Monique a des petits-enfants extraordinaires, d'ailleurs, qui l'aident à faire ses devoirs. C'est ça. Je trouve que ça fait un peu un juge. Quand on dit 50%, ça fait un peu misérable, là, mais c'est pour ça que je veux doser le truc. C'est pour ça que je suis contente que ce soit sorti cette semaine, puis que je vous ai invité la semaine passée pour cette semaine. Je suis contente que vous arriviez juste à point, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et puis, autrement dit, 53%, ça serait quoi? Ça serait tout l'ensemble, tous les niveaux ensemble? 53%, c'est niveau 1 et 2. 1 et 2? 1 et 2. C'est un constat d'échec, là. Clairement, okay. Là, il y a une loi sur l'instruction publique, tu sais, qui dit que les gens doivent apprendre à lire et écrire à l'école, puis c'est pas le cas, tu sais. Fait que là, oui, il y a un constat d'échec, tu sais. Je voulais pas être jovialiste tantôt en essayant de rendre les chiffres moins dramatiques, là, mais oui, il y a un moment donné, faut se le dire, là. Faut le dire, oui. Faut le mentionner. Le système fonctionne pas, tu sais. Qu'est-ce qui aiderait? On peut-tu savoir? Là, je veux pas... Non, on rentre pas dans la politique, nécessairement. Pas dans la politique, mais tu sais, c'est clair que ça va prendre du budget pour avoir des ressources en classe. Jamais je taperais sur la tête d'un professeur, mais tu sais, c'est sûr que... Ils sont débordés. Élève qui a des besoins particuliers, il n'y a pas... Le professeur n'a pas le temps à lui accorder qu'il aurait besoin et tout ça, tu sais... Donc, oui, il y a un problème de financement à la base. Il faut donner des ressources dont nos enfants ont besoin. Puis, il y a des jeunes aussi que j'ai vus dans certains articles qui disaient qu'ils n'étaient même pas capables d'écrire leur nom. Que ça passe dans le système, dans les mailles du système, c'est quelque chose là, d'imaginer qu'il n'y a personne, puis qu'il n'y a pas eu juste un prof, là, cet enfant-là, là, ce jeune-là. Ça me ramène au point que vous êtes wise, comme je disais tantôt avant la pause. Vous êtes débrouillard, ça c'est sûr et certain. C'est pas un manque d'intelligence. Là. Ça, j'aimerais ça qu'on clarifie. Il n'y a pas un manque d'intelligence. C'est vraiment faut être très intelligent selon moi pour réussir à se débrouiller dans la vie sans avoir les mêmes outils que ce que la société nous amène. Comment vous débrouillez avant de savoir décoder tout ça? Ben, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on va dans une piscine publique, là, pas de petit bonhomme, là, la bonne femme et le petit bonhomme, là, ben là, j'entendais dans le passage, quand je voyais une femme sortir, ben là, je dis, ah, c'est là, je rentrais là. Oui. Ou comme à la pharmacie, bon, moi, je le disais à la pharmacienne, je dis, moi, je suis pas capable, tu aurais dû me donner tel sirop, amener de me le porter, amener de me le donner ou amener l'expliquer. Mais la c'était star, dit directement aussi, là, dans votre cas. J'étais toujours obligée de demander tout le temps. J'étais pas dépendante, dans le fond. Non, non. Même là, j'arrive à la pharmacie, la pharmacienne, elle vient, mais avez-vous besoin de l'aide? Non, je pense que je suis capable. Je vais aller te voir si c'est pas. Là, je suis capable d'aller chercher mes pelules dans une tablette, là. Oui. Par contre, j'y manque. C'est-tu vraiment ça? Elle me dit oui, hein, vous êtes bonne. Se déplacer dans la ville, comment on fait? Dans ce temps-là? Ben, moi, quand j'avais... Quand il y a une nouvelle adresse, par exemple, ben, c'est qui ça. Arrive... J'ai été changeuse. Mon mari, il avait bien la patience. Il venait me le montrer la veille. La veille? La veille. La veille, il venait vous montrer où est-ce que vous alliez aller le lendemain. Ouais. Mettons, je construis l'auto, là. OK. Mais quand j'avais une nouvelle adresse, il venait me le montrer la veille. Mm-hmm. Puis le lendemain, ben, je m'en rentais toute seule. Mais on faisait tout le temps 2-3 voyages pour, ben, au moins 2, là. Si c'est pas trop indiscret, vous dites, vous conduisez une voiture, comment on fait passer le test? Eh, mon Dieu, j'étais jeune. J'avais 16 ans. Puis, j'avais pris le cours de conduite. Ouais. J'ai tout tenu ça. Puis, la veille de ma cousine, elle m'a tout lu le livre des règlements. Ouais. Puis quand j'ai été le lendemain, j'étais changeuse. Je l'avais dit à la fille, je suis pas capable. Elle écrivait, elle me posait des questions, puis elle écrivait mes réponses. OK. Puis c'est de même que j'ai passé mon permis. Mais ça doit pas être évident pour trouver les sorties d'autoroute. Hein? C'est l'habitude, c'est le visuel? Oui, c'est visuel. Oui, c'est plus c'est visuel. Ça. Puis on marche avec les chiffres aussi, mettons la 40 ou... La route 138, là, mais je dis ça n'importe comment. Là, mais, en même temps, c'est d'autres repères. C'est au dépanneur, ouais. Tourne à gauche, puis en face de l'église, ouais. C'est la troisième maison. Ça, bon. La vieille maison, là, ben, tu tombes là. Ouais. Ce que je faisais des fois, moi, c'est qu'au lieu que quelqu'un vienne me reconduire la veille, comme elle faisait, moi, c'était une autre façon que je faisais, c'est que je regardais sur la carte. OK. Où c'était. Pour regarder le trajet que je dois prendre pour aller à cette place-là. Oui, bien, tu savais aller un petit peu pour aller la oui, carte. Oui, là, dans mon cas, je savais un petit peu. Oui, ça prend une base. Oui, ouais, il y a une base. Moi, je savais. Mais c'était la façon que je faisais parce qu'à cause de ça, là, que quelqu'un m'explique, là, si quelqu'un m'explique, là, viens me rejoindre à telle place toute, là, je suis perdu, là. Mm-hmm. Je retiens jamais des places, presque jamais. Et quand quelqu'un me parle d'aller à une place, là, je suis là, puis je tourne en rond, puis là, je me dis, voyons, c'est où, c'est ta place-là, puis tout. Puis si je regarde pas sur Internet à cette heure, parce que là, il y a Internet, si on ne regarde pas sur Internet ou bien sur la carte, ben là, je comprends pas c'est où. Même si la personne me l'explique souvent au téléphone ou bien. Mm-hmm. Puis on parlait tantôt aussi des restaurants. Comment est-ce qu'on fait? On choisit un numéro au hasard? Non, non, moi je demandais à la serveuse de m'aider. Je ne savais pas. Directement? Oui. Moi, j'ai jamais été gênée pour ça, par contre. Mm-hmm. J'ai été changeuse pour ça. Vu que j'étais pas gênée, puis je demandais de l'aide, le monde était content de m'aider. Mm-hmm. Oui, si le monde il demandait de l'aide, ils sont contents de nous aider. Mm-hmm. Moi, en tout cas, dans ma vie, je me suis aperçue de ça. On demande l'aide. De l'aide, puis ils sont contents de nous aider. Autant les jeunes, tout le monde plus vieux, les moyens... Ah non, il reste surpris. Hein, vous savez pas. Là, c'est là, on dirait qu'il veut s'embarquer avec nous autres. Oui, on veut aider. Ouais. On veut aider. Ben, quand la personne nous le dit, j'imagine que ça doit aider. Ah, ça ouvre les portes beaucoup. Ouais, hein? Oui. C'est vrai. Puis moi, ben, des fois, je me guide, comme que Monique expliquait pour la toilette, s'il n'y a pas le bonhomme puis la femme, ben ouais. Là, c'était compliqué. Ben moi, c'est à peu près la même chose, l'image de la carte. C'est quand que les images sont dessus la carte, je me guidais souvent avec ouais. l'image de la carte. Ça veut dire, tu sais, quand il montre quelque chose de bon, là, puis qu'il a l'air bon, là. Ouais. Ben là, j'étais là, puis je disais, ben, je vais prendre ça. Ouais, quand ça avait l'air bon, sinon, il va au pif un petit peu. C'est ça. Mais en même temps, moi, je t'écoute parler, puis ça limite un peu ça limite les restos où tu peux aller, tu sais. Ouais. Oui. Parce que c'est pas le partout qui ont des images. Les images. Tu sais, c'est le fait d'avoir des difficultés, ça t'exclut, tu sais, de bon, c'est comme places, si hein. on allait plus souvent aux mêmes places. On n'allait pas vraiment essayer d'autres restaurants parce qu'on craint toujours d'avoir, comme tu viens d'expliquer, la problématique de ne pas avoir l'image. Mm-hmm. Puis quand il n'y a pas d'image, justement, puis vous êtes invité dans un restaurant, vous faites quoi dans ce temps-là? Ben là, c'est là que je disais, moi, je vais prendre la même chose que lui. Ou sinon, je demandais carrément. Ouais. J'ai jamais été gêné pour ça. Ça m'a aidé avoir grandi parce que... À chaque fois qu'il y a quelque chose, je le demande au monde, je lui explique même, là, j'ai de la misère là, à lire et à écrire, j'ai dit, peux-tu m'aider pour ça? Puis c'est comme ça que j'ai fonctionné dans toute ma vie d'ailleurs, mm-hmm. parce que depuis que je suis sorti de l'école, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais ouais. arrêté. Mais j'ai monté mes étapes à fur et à mesure avec les années, puis c'est là que je suis venu qu'à être dans la construction, mm-hmm. parce que j'ai toujours pris qu'est-ce qui passe. À chaque fois que quelqu'un me parlait d'une affaire, j'ai embarqué tout de suite. Fait qu'il n'y a pas de CV à aller porter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas rien à... Fait que c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne dans ce temps-là, puis c'est le même qu'on monte. Oui, puis souvent, j'ai eu des jobs que c'est... j'ai jamais eu à remplir de formulaire. Je rentrais là, dès que je partais d'une job, je m'en allais direct mm-hmm. à une autre, puis... J'ai été chanceux, peut-être, là, pour certaines personnes, mais je pense qu'aussi on fait notre chance si on veut affronter nos difficultés. Puis, y en a-tu? Puis, je pose la question en trois parce que, Richard, tu dois être témoin aussi des histoires que tu entends chez Alphabeille. Y en a-tu là-dedans qui ridiculisent ou qui... je connais un petit peu la réponse ou j'en ai une bonne idée, là. Mais je pose la question, qu'est-ce que ça peut être quand il y en a qui... Est-ce qu'on est exclu? Est-ce qu'on nous tasse des fois parce qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire ou qu'on a de la difficulté? Ça a l'air d'une grosse question. Oui. Je vous regarde. Oui, mais moi, c'est ce qui est arrivé dans les chantiers de construction. C'est qu'ils se sont rendus compte que j'avais des difficultés à retenir des noms des personnes, à retenir certaines choses. Puis, ils en profitaient pour essayer de me tasser, justement, parce que je prenais comme trop de place, selon eux autres. Mm-hmm. Juste le fait que je savais pas lire et écrire, pour eux autres, c'était comme pas correct que je sois parmi eux autres. Là. Ils prenaient ce prétexte-là pour tasser. Ouais, ouais. Fait que là, ils prenaient ce prétexte-là pour essayer de me diminuer ou de me ridiculiser. Puis, par contre, ça l'empêche pas qu'une personne qui a de misère à lire et à écrire peut être aussi éveillé sous le sens que la sécurité, c'est important. Ben oui. Puis moi, ben c'est ça qui était ma force aussi, à la fois, c'est que j'étais très sécuritaire, puis en même temps, ben de l'autre côté, les autres ne s'attachaient pas, puis tout ça, fait que résultat, au bout de 3 ans, ben moi, j'ai été harcelé beaucoup parce que je m'attachais, parce que je portais mon casque, parce que toutes ces choses-là. Ouais. Puis, et parce que tu avais la difficulté à les réécrire. Oui, c'est ça. Ils ramenaient ça à la difficulté d'écrire ou de lire. Oui, parce que le gars qui m'a détaché, parce qu'il m'a détaché sa couverture, je ne savais même pas que j'étais détaché. Puis quand je m'en suis rendu compte, j'ai demandé à ce gars-là de rattacher mon corps. Puis la première chose qui est venue à la tête, c'est « Toi, l'alphabétique, tu n'iras pas de montrer à travailler. » C'est la seule chose qui est venue en tête. Fait que c'est pas fort, là. Il sait lire et écrire peut-être, mais... Non, c'est ça, je disais tantôt, l'intelligence, pas là, c'est pas une question d'intelligence. Mais j'entends pas tant que ça d'histoires comme celle de Marcel, ouais, où ça, t'es intimidé en raison de tes difficultés, là. Mais il doit en avoir des fois qui entendent des commentaires. Je vois des gens s'exclure eux-mêmes, là, tu sais, parce qu'ils ont des problèmes de lecture et écriture. Ben oui, parce que si... t'es dans un emploi, puis tout à coup, ton patron dit, écoute, j'aimerais ça t'avoir à ce poste-là, faudrait que tu suives une formation, tatata. Ben non, non, c'est correct, je vais garder ma job, tu sais, je vais... Fait que refuser des on s'exclut des possibilités, au lieu de se faire exclure, ben, c'est ça? Un peu, tu sais, parce que c'est toute la honte qu'on ressent, là. Monique, tu voulais intervenir? Ben, moi, je me suis jamais fait entasser, je prends beaucoup de place. Du caractère. J'ai du caractère. Si Anna essaie de me tasser, moi, je vais foncer à la place. Oui. Faudrait qu'il se lève de bonne heure pour me tasser. Oui. Monique, avec sa difficulté à lire et écrire, c'est dans, on parlera peut-être du livre tantôt, là, mais oui, on en parle, tu racontes là, quelque chose d'assez fascinant. Moi, ça me jette à terre là, que tu aies pu démarrer un syndicat dans un hôtel où tu travaillais. Oui. Ah oui? Oui. Racontez-moi ça. Ben, quand j'ai rentré là, toutes les filles partaient. Le patron, il nous demandait l'ouvrage. Là, c'était pas de passant. Puis moi, je me suis dit, je partirai pas, mais il va me respecter. Puis là, c'est là que j'ai... À un moment donné, il me donnait 20 chambres à faire dans une journée. Là, on n'était pas de bon sens, là. Mm-hmm. T'es-tu l'heure de dîner? J'ai appelé le syndicat, puis j'ai demandé comment faire pour... Puis là, l'homme est venu me rencontrer chez nous le soir, puis là, c'est là que j'ai parti la... C'est vrai. La seule affaire, après ça, il voulait me nommer la présidente, là, mais c'est là que j'étais pas capable. T'sais, j'ai demandé à mon ami de m'aider. Puis le monsieur, ça n'avait pas aperçu. Ça faisait un mois qu'il travaillait avec moi, puis ça n'avait pas aperçu que j'avais pas lu. Tu ne savais pas lire, puis pas écrire, puis tu te promenais avec les formulaires pour faire remplir les formulaires. On avait 24 heures pour faire remplir les formulaires. Tu voulais que ça se fasse toute la même journée. Oui. J'allais voir toutes les filles. On était 7 filles dans ce temps-là. Puis après ça, on l'a donné au monsieur, puis il était le porté. Puis il y avait 24 heures pour nous mettre à la porte, mais on parlait pas personne. Puis lui, il ne savait pas. Le syndicat de rentrer haut la main. Oui, hein? Oui. Mais on parlait, Richard, tu nous as amené vers le livre, puis ça, là, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que il y a 13 personnes de chez vous qui savaient pas lire, pas écrire ou à différents niveaux. À différents niveaux, oui. Puis vous avez fait un livre. C'est assez, c'est quelque chose, là. C'est pas habituel de voir ça, des analphabètes qui écrivent un livre. On l'a pleuré. Mais vous avez réussi, puis vous l'êtes de moins en moins, analphabète. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là? Puis comment vous l'avez fait, le processus? Mais moi, c'est des bandes de c'est des dessins de la construction, justement, qui est en lien avec la construction. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'explique un peu là-dedans, c'est justement mon cheminement que j'ai vécu quand j'ai été détaché, puis tout ça. Puis quand j'ai fait ma dépression causée par tout ça, par le harcèlement, je me suis débattu. Le boss, il dit, moi, je gronde tout le temps quand je vais en cours. Tu sais, ça, c'est l'intimidation. Ouais. Faut pas laisser ça faire. Fait que je suis comme Monique dit, j'ai toujours foncé. je me suis reviré dès que je suis sorti de la dépression. J'ai fait mon rapport, mais tout ce qu'il faut. Puis j'ai réussi à gagner. Puis aujourd'hui, j'ai ma CSST à vie. Parce que vu que j'ai des difficultés puis c'est dur de me replacer ailleurs, ben ils ont pris un arrangement au lieu que je les poursuis au criminel toute la compagnie, ils ont pris un arrangement que j'aurais ma CSST à vie. Ouais. C'est l'histoire que tu racontes dans le livre. C'est l'histoire, ouais, c'est l'histoire un peu qu'il y a dans le livre. Puis je pense que c'est de valeur que dans la construction, je trouve que le syndicat, ton syndicat lui-même te renie, te met de côté, puis te laisse aller parce qu'il y a mieux défendre plusieurs personnes que te défendre toi tout seul. Ouais. Il y a mieux protéger les autres que justement qui sont pas sécures puis tout, mais il y a mieux les protéger pour pas qu'il y ait un dossier criminel, puis t'en prendre à toi qui sait pas lire et écrire, puis puis essayer de te tasser, là, mais ça n'a pas marché. Puis c'est écrit dans le livre. Ça, vous avez réussi à mettre les mots. Pas tous les détails là, c'est pas écrit sous cette façon-là, tout à fait, mais c'est ça qu'il y a dans le livre. Mais vous racontez ça. Ben, tout le monde, en fait, a livré un témoignage, tu sais, de leur vécu. Tu sais, si on le met dans le contexte, là, Alphabet, il y a 2 ans, elle a eu 25 ans. On s'est dit comment on fait ça, on a demandé au groupe, il y avait plusieurs idées qui sont sorties et le livre a été retenu là. Fait que donc on a parti de ça, puis on s'est dit écrire sur quoi. Là les gens quand ils posent le crayon sur le papier, c'est la première phrase commence souvent par je. Alors bon, je vais parler, les gens se mettent à parler d'eux-mêmes, puis les gens se racontent là-dedans, donc ça devient, c'est ça, très personnel. Les textes sont assez personnels là-dedans, leur vécu. Puis en plus, on avait dit aussi, on aimerait ça faire la promotion d'un documentaire. Oui. Donc, toute la démarche d'écriture a été filmée par une documentariste et on a lancé le documentaire l'automne dernier. Mais le documentaire, on peut le retrouver sur le site d'alphabeille.com. Oui, ou sur alphabeille.com ou sur notre chaîne YouTube, là, sans problème. On tape « Foncer pour mieux comprendre », qui est le titre du livre et du documentaire. Et livre que vous avez eu la gentillesse de m'apporter ce matin, puis je vais le faire tirer pour à partir de ma page Facebook, les différents... pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est. Et lire vos histoires, c'est un beau livre, c'est vraiment bien fait. Puis moi, en tout cas, ça m'impressionne tout le temps de voir que des gens qui se sont dépassés, qui ont fini par écrire un livre, voyons, c'est... C'est ça, puis les gens qui en veulent, il en reste chez Alphabet, fait que des livres. Vous l'avez aussi. On l'en a, fait qu'ils peuvent venir nous voir, puis on va les en vendre. Les ressources. Tu fais de la promotion. Ben oui, ben c'est correct. C'est super. La radio peut aussi être utilisée, hein? Richard, de ton côté, on parlait de ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire si, admettons, on écoute à la radio puis on dit, ben gars, moi j'ai besoin de... Ouais, peut-être, là, on s'est reconnu peut-être dans une des deux histoires ici. Qu'est-ce qu'on peut... comment on peut procéder pour prendre contact avec vous? Ben, en fait, je peux laisser le numéro de téléphone d'Alphabet sans problème. Là, on a joué au 88-527-82-67. Il y a aussi la ligne Info Alpha qui, eux, vont donner la référence sur un groupe d'alphabétisation, une ressource d'alphabétisation près de chez vous. Ouais. Des groupes comme Alphabet et Vanier, il y en a 5 dans la région de Québec. Là, donc, il y a À tout lire dans Saint-Sauveur, il y a La Marée des mots à Beauport, il y a Limoitou, Limoilou, je vous dis pas c'est où. ensuite, il y a... Là, j'ai Alpha Stoneham, mais je sais qu'ils ont changé de nom dernièrement. Excusez-moi les gens d'Alpha Stoneham si vous m'écoutez. Mais il y a 5 groupes là, dans la région. Il y a 5 groupes dans la région de Québec. Sinon, il y a aussi, via la commission scolaire avec les centres d'éducation aux adultes. Donc, on peut aller directement dans une commission scolaire puis faire une demande là, puis eux vont pouvoir nous rediriger. Ça serait une façon? Ben, en fait, la commission scolaire n'aura pas tendance à rediriger dans les groupes d'alphabétisation. Non, OK. Donc, je pose la question parce que c'est ça, si on veut savoir. Ouais, c'est deux approches différentes, c'est deux approches qui sont en parallèle. Parfois, on se fait des références, mais bon, majoritairement, il y a beaucoup de gens en fait qui viennent chez nous après avoir contacté la ligne Info Alpha. Là, on peut retrouver aussi sur le site ou le 211 en fait. Là, le 211. Le bottin des ressources. Là, ouais. D'accord. Ce que je vais faire, moi aussi, déjà en partant, je vais mettre vos informations sur la page Facebook, les différents. Et puis, si vous voulez gagner le livre que les gens d'Alphabet ont créé, Foncer pour mieux comprendre, je vais mettre toutes les informations sur la page, puis je vais faire tirer à partir de la page les différents. Donc, merci à vous trois.